Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 5, colonne 1. Lowell, Massachusetts. George T. Goodwin, un ancien résident de Lowell, avantageusement connu, s'est suicidé par la strangulation à Concord, New Hampshire, samedi dernier. On admet qu'il a fait ce mauvais coup par suite d'aliénation mentale. Il était âgé de 59 ans. Des officiers du Grand Tronc étaient en cette cité, mardi dernier, pour faire l'inspection, en compagnie du surintendant Chickering, de la voie et du matériel d'exploitation du chemin de fer Boston and Lowell. Il est question de donner à bail ce chemin de fer au Grand Tronc. Le comité républicain a ouvert ses salles au numéro 27 rue Central et les membres se sont mis en activité pour les travaux de la campagne. Le président sera présent pendant 5 soirs de la semaine et le comité exécutif se met à la disposition des républicains pour toutes les informations désirables. Peter O'Hare, âgé d'environ 9 ans, fils d'une veuve demeurant dans la cour Putney, au-delà de la rue Gorham, s'est tué à la manufacture Appleton samedi après-midi. Il était venu apporter un dîner à un parent, et s'amusant à glisser sur la rampe de l'escalier tournant, il est tombé d'une hauteur de 40 pieds, et a eu la nuque cassée. Il est mort au bout d'une heure. Son père s'est noyé il y a 3 ans et sa mère a beaucoup d'autres petits-enfants à élever. Le juge en chef Coleridge, d'Angleterre, avec sa suite, escorté du gouverneur Butler et autres invités, est arrivé à Lowell par le train de 9 heures du matin, venant de Boston, mardi dernier. Des voitures étaient à leur disposition à la station de la rue Middlesex. Ses hôtes ont passé par les rues Middlesex, Central et Merrimack pour faire une inspection rapide des bâtiments et autres choses intéressantes de ces 3 rues principales. Ils ont visité plusieurs usines et manufactures et, à 2 heures de l'après-midi, ils ont dîné à la résidence du gouverneur Butler. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.